ciel. Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne? Ton cœur bat-il toujours à mon sonneau? Toujours sois-tu mon amoureux? Non. Dans les bois d'enfants.